Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Salut, c'est Méniel, le mec du Floodcast, le podcast. Salut, c'est Méniel, le mec qui est chaud avec une moustache. Oh. Ah bah ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ah bah oui, oui, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce... Ah, il m'a piégé. C'est un piège. C'était pour tester le micro et... Et en fait, c'est le début. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans c'était ce nouvel épisode. C'était de l'impro, je précise. Oui, oui, oui. J'ai pas préparé, genre. T'as pris des notes, t'as pris des notes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Alors, contrairement à l'accoutumée, nous ne sommes que deux. Oui. Voilà, oui, ah, mais quand même. Nous ne sommes que deux parce qu'on s'est dit... On ça... parle pas assez des le roi en ce moment. Ouais, et on va faire un making-of. Non, en vérité... on a fait toute une tournée avec Adrien, on a fait plein de choses autour des Leroy avec Adrien. Bah, on a tourné déjà. On a, voilà. Et du coup, je voulais. Enfin, on voulait d'ailleurs, c'est plutôt une idée d'Adrien. Oui, oui, en l'occurrence. Débriefer. Alors, toi, tu voulais le faire un peu plus tard, et moi, je me suis dit, battons le fer tant qu'il est chaud. Mm. Là, les Leroy est encore au cinéma. Peut-être, là, à l'heure où on enregistre, plus de 200 000 à être allés le voir, donc c'est trop bien, et merci à ceux qui sont venus. Et on a fait plein de choses, et je me disais, c'était le bon moment pour en parler. Et après. Après on n'en parle plus, après c'est rideau, voilà. Après c'est ciao, j'ai c'est envie de ciao. Ouais. On passe un petit peu à autre chose. Comme et... dit Big Flo. Et donc voilà, déjà Adrien, comment vas-tu? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré de podcast. C'est vrai ça. On avait fait celui avec Charlotte et José, après j'ai balancé un live. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de live. Comment il y a deux, trois semaines. Deux, ouais, deux semaines. Non, deux, trois semaines. Trois semaines. Bah, c'était le 4 avril, c'est pas c'est compliqué. Ça. C'est tout on simplement ça. Ouais, bon. Bah c'est deux semaines. Deux semaines. T'as fait quoi entre temps? Oh, écoute. Ça a écrit Feuilleman. Mmh. Toujours. Et puis, bon, ma petite vie de petit bonhomme. Ça, c'est ta chanson d'Alain Souchon. Ma petite vie de petit bonhomme. Alors, Adrien, c'est vrai qu'on a fait, tout un. J'ai noté plein de choses qui nous sont arrivées, ou d'ailleurs qui ne sont pas forcément arrivées à nous directement. Oui. Mais qui sont arrivés en avant-première. En avant-première. On peut commencer par ça, je pense. Écoute. On peut commencer parce qu'en plus j'ai fait une investigation. Je peux pas te dire incroyable, mieux. J'ai un peu putain, travaillé. Donc oui, j'ai fait une avant-première. Alors en l'occurrence sans toi, c'est au vrai. Pâté Alésia. Oui. D'ailleurs, je remercie l'équipe de Séance Tenante qui font le podcast. C'est le podcast de Pâté. N'hésitez pas si vous voulez. Parce ça, qu'en en, vrai, ça en envoyait d'ailleurs, j'imagine. Ça, du pâté. Bah bien sûr. Bien sûr. Oh bien là sûr. Là. Mais pour dire aux gens, parce que c'est vrai que. On fait la blague de j'ai beaucoup parlé des Leroy, mais en vrai de vrai, j'en ai pas parlé profondément. J'ai pas parlé du film, de mes trucs de réel et oui, tout et tout. Parce que c'est pas l'endroit. Vos petits DM, genre, ah bon, je savais pas qu'il sortait un film. Vos gueules. Sortez un film un jour où il y a un pote qui sort un film, vous verrez si vous en parlez pas. Ouais, t'as envie d'en parler, mais j'ai essayé de ne pas. Même quand on a reçu José et Charlotte, on n'a pas parlé spécialement oui. du tournage, non, de ce normal. Qu'on a voulu raconter, etc. Parce que c'est pas l'endroit. Mais. Le bon côté, c'est que si ça vous intéresse quand même, parce que je sais qu'on a aussi pas mal de gens qui aiment bien ce qu'on fait, mais aussi des aspirants scénaristes, des aspirants réalisateurs, outrices. On vous amène derrière le rideau, je peux pas vous dire mieux. Non, mais j'ai fait pas mal de podcasts où pour le coup j'explique un peu l'écriture, etc. Et en l'occurrence, Séance Tenante, le podcast de Pâté fait partie de voilà. ces émissions que j'ai faites où je parle mise en scène, écriture, coulisses de tournage, etc. Donc le concept de ce podcast, à la base, c'est juste des émissions, mais pour celle-ci, ils ont fait l'épisode en live. Donc, qui était à l'issue d'une projection. Donc, ils projetaient le film. Et ensuite, il y avait l'émission qui était, grosso modo, surtout une interview de moi au niveau des Leroy. Et moi, j'arrive, très bonne ambiance. On me dit que la salle est complète, que les gens sont chauds, etc. Et j'arrive et la salle n'est pas complète. Scandaleux déjà. Déjà, j'ai envie de péter un câble. Il manque, je dirais, 6 ou 8 personnes dans un coin. Voilà, il y a des sièges vides. Okay, mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des no-shows. Quand tu sors un film, c'est que les gens prennent souvent leur place avec des passes UGC, Pâté, etc. Et moi-même, ça m'arrive des fois au dernier moment, tu peux pas y aller. Et vu que t'as pas payé, vu que t'as le pass, tu te dis bon bah tant pis. J'y vais pas. Mais ça compte pas comme une entrée, sachez-le. Oui. D'ailleurs, ça c'est pour les gens qui des fois me disent ah avec le pass, je prends une entrée par jour et tout. Bah c'est très gentil, mais ça marche pas. Ce que tu faisais d'ailleurs toi, à l'époque, quand t'en as parlé dans le Floodcast, bah, ouais. et bah c'est, ça ne marche pas. Non, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une place et aller voir un autre film. Ça compte. Mais si vous prenez juste la place, ça marche pas. Bref. Donc je pensais que c'était des no-shows comme ça arrive souvent, mais ce qui était étrange, c'est qu'ils étaient tous côte à côte les no-shows. Ok. Plus étonnant déjà, parce que c'était une place plutôt bien placée dans le ciné. Mmh. On fait l'émission truc et à la fin, comme souvent à la fin des séances, les gens venaient nous voir pour faire des photos, des dédicaces, etc. Et là, il y a très rapidement un groupe de gens qui me disent oh, Flo, c'est incroyable, il y a quelqu'un qui a dégueulé pendant le film. Donc déjà, j'ai reconnu mon public. Oui, bien si sûr. Je peux dire mon public. Bien sûr. Tu vas adorer, quelqu'un a dégueulé. Donc voilà. Et je dis quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et alors, je vais vous lire une review Letterboxd que j'ai trouvé. Parce que je lis toutes les reviews Letterboxd. Comme un fou. Comme un fou. Un gros fou. Ça met l'ego dans un endroit, sachez-le. Ouais, c'est les montagnes russes. C'est un très bon terme. C'est le tout à titre pour moi. Oui, c'est exactement ça. Je vous lis donc une review qui commence ainsi. J'ai pas fini de voir le film parce que mon pote à côté de moi a bégère pendant la séance. C'était trop gênant, entre parenthèses, en plus de sentir pas bon. Oui. De pas sentir bon, d'ailleurs, c'est écrit. Il y a d'autres façons de dire que le film est pas ouf, mais bon. Alors lui, il dit pas que le film est pas ouf, il a mis 4 étoiles, mais bon, il l'a pas vu en entier. Nonobstant, la moitié que j'ai vue, c'était très bien. Vous me direz si l'autre moitié vaut le coup. PS, RIP la vieille qui était sur le siège devant mon pote en F15. Oui, et qui apparemment a hurlé « Mais vous m'avez gerbé dessus !» Voilà. Et en fait, ça a tourné sur Twitter. J'ai vu, ça, apparemment, oui. C'est un pote de Lucien Mène. Lucien Mène avec qui, bah, qui tu fais La Bonne Auberge, avec ouais, auteur c'est et JB, le réalisateur de La Bonne Auberge. Ah d'accord, je savais pas que c'était lui. Ouais, d'accord, ouais. Ok, génial. Qui et... est un pote du réal de L'Esprit Coubertin. Voilà, je oh tout, là. Tout, on reste dans le cinoche. C'est un tout petit milieu. Voilà. Auquel personne n'a accès. Film, d'ailleurs. Ouais, très hâte. Bah, ouais. C'est marrant que t'en parles parce que j'ai eu l'attaché de presse qui. Non mais voilà. Quoi, mais quoi. Et donc voilà. Et une vieille a hurlé. Ouais, vous m'avez gerbé dessus. Et ils sont partis. Mais ils sont partis pendant une scène. Alors je vais pas vous dire laquelle. Mais en vrai, j'étais un peu vexé. Parce que ça a dû sortir tout le cinéma de l'ambiance. Oui. Et c'est dans une scène pas du tout de comédie, mais plutôt très émotion, plutôt vers la fin du film. Ok, donc c'est après et... moi, ils m'ont vu. C'est bon. Ouais, toi, c'est. Bah, c'est un truc à connaître au cinoche quand même. Oui. Une salle qui rit comme ça. Bah, non, mais c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de Spider-Man dans Avengers, et il y a ton arrivée dans Nouvelle Roi, voilà. Que je mets à peu près côte à côte. Quand Luke apprend que Dark Vador est son père, voilà. Et l'arrivée du serveur par Loïc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc voilà, quelqu'un a gerbé et. Une des personnes qui s'est fait gerber dessus a dit qu'elle était là. Et donc je l'ai contactée sur Facebook pour vouloir lui offrir des places en disant bah tu t'es fait vomir ah, dessus, oui. Tu peux revenir voir le film pour voir la fin. Et moi je suis toujours, c'est très technique et pardon pour les gens qui hémétophobe, détestent. Ouais. Oui, voilà. Hémétophobe, c'est les gens qui détestent Doc dans Retour vers le futur, par contre. Oh, c'est assez pour les geeks. C'est une impro, mais non, mais quoi. Non, mais. Il fait médium. Le geekos. Non, et. Non, mais. Comment tu sens que. Enfin, oui. Tu sens que tu vas dégueuler, gueule à tes pieds, quoi. Alors, c'est ça. Et... Donc, moi, j'ai jamais, je crois, été dans une situation où vraiment je peux me. Il y a un dixième de seconde entre oui. Le moment où je me dis je vais gerber et le moment où je gerbe. Et même normalement, souvent, t'as le temps de. Tu vois, donc je me dis. Est-ce qu'il a pas fait exprès, c'est ça que je veux dire. Oui, et même un petit malaise avant. Enfin, moi, je sais que toutes les fois où j'ai vomi, les 20 bonnes minutes avant vomi, tu es. Oh là. Et du coup, oui, oui. Si je suis dans une salle de ciné, me connaissant, j'ai pas envie de rester dans la salle de ciné. Ouais, enfin, tu vois. Ouais, mais des fois, tu. C'est ça, je sais pas. Bon, bref, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a tout un truc avec des canettes qui giclent dans le film. Il y a un gars qui m'a dit. Moi je croyais que c'était une canette qui avait giclé. Oh, c'est trop de détails. Oh, non, non. Mais attendez. Ça me dégoûte. Il n'y a pas eu le bruit du Hulker. Ça a directement été un jet. Non, non, ça y est. Oh, quoi. Non, quoi. Même moi qui adore. Emmett de Non, mais voilà. Et donc, non, du non, coup, horrible. C'est vrai que c'est très floodcast comme anecdote. Et c'est assez incroyable que ce soit arrivé. Mais du coup, tu as contacté la personne et. Bah, en fait, elle avait déjà pris ses places pour aller voir à Boulogne. Oh là je crois. Là là donc voilà. Quelqu'un d'adorable. Quel public. Quelqu'un d'adorable. Vraiment très gentil. Donc voilà. Et donc, t'as dit, bon bah, ok. J'étais un peu à court de cadeaux. Ouais, du coup. Une affiche, ça te dit quelque chose? C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était cool d'ailleurs. On a fait ça le jour de la sortie. On a filé plein d'affiches et de DVD et de trucs ouais, aux gens. Payé de ma poche, hein, je tiens à le dire. Alors, pas les affiches, hein, pas, ça, c'est la distrib. Et pas aussi les DVD qui n'avaient rien à voir avec. Non. Oui, parce qu'en fait, donc en gros, pour vous expliquer, le jour de la sortie, je voulais faire une petite tournée des cinémas. Alors, on pouvait pas en faire 1000, hein, pour remercier les premiers spectateurs. Je trouvais ça. Enfin, je voulais célébrer un peu ce truc-là, être content de dire, bah, c'est les premiers spectateurs, faut faire kiffer. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que. Ah oui, et seulement à Paris, comme par hasard. Oui, c'est là où on habite, en fait. Non, on va mais prendre ça, le train 5 fois dans la journée. Ah mais là, cela dit, je l'ai pas eu trop parce que les gens, enfin, on est allé les voir oui. Partout en France. Non, mais bien sûr. Mais le jour de la sortie, effectivement, j'étais dans plusieurs cinémas et d'ailleurs, merci parce que au 9h des Halles, on a battu un record. Je tiens à vous le dire. De 2024, on est le plus gros 9h des Halles de l'année 2024. 9h des Halles, donc la séance de 9h. C'est ça, la première séance de cinéma de France d'ailleurs. C'est la première à 9h15. Et on a fait plus que d'une deux, donc c'est quand voilà. Même mais plus que tout, oui, que ouais, tous les de 2024, tous ouais. Les films de beaucoup, oui, de 2024, de 2024 du jour, voilà, ouais, c'est ça, un banger. Non mais ça faisait plaisir de voir autant de gens au cinéma si tôt. Et du coup, on a. Cinéma Cito. On est allé voir le film Le Plan Bernard. Il y a Adrien Méniel, il y a Sophie Marie là, oui. Venez voir le film du coup. Voilà. Faut avoir la ref. Ouais, non, faut. Ouais. C'était ouais, la complicité, voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de floodcast. Voilà, bon. Oh, mais ça va revenir. Petit, ça va revenir. Ouais. Pendant l'épisode, ça va revenir. Vous inquiétez pas. Là, c'est bon. Oui, là, ça. Là, ça, vous vous dites, oh là. On est, ouais. Là, on navigue à vue. Hein. On est un peu dans le brouillard. Mais là, ça... vous dites, toi, depuis qu'ils sont dans le Cinoche. Ils ont changé. Non, ils ont changé. Pas. Et donc, on a fait le tour des cinémas. Si jamais les 15 minutes sur le dégueulis vous ont pas convaincu. Vous inquiétez pas. Donc on a fait le tour des cinémas et on a filé des DVD. Et donc moi je suis allé à Cash Converter, à tous les trucs de les boutiques de, comment on appelle ça, de seconde main, Gilbert, ouais, Joseph, etc., pour acheter des DVD, des films du casting des Leroy. Donc il y avait des films de Charlotte, de José, mais il y avait aussi Coupé, parce qu'il y avait Lies Salem et Sébastien Chassagne, Les Vedettes, dans lequel tu es, Adrien, Le Manoir, dans lequel il y a Tyrell et Jérôme, voilà, etc., etc. Et donc j'ai acheté tout ça et je voulais filer des DVD à tout le monde. Et donc on a fait ça la journée, c'était très agréable. Mais j'ai voulu faire, il me restait deux casquettes Floodcast à moi en fait, qui, ouais, sont, qui m'appartiennent, ouais. Et je me suis dit bah vas-y, je vais les filer à des gens. De toute façon, je pour être tout à fait honnête, je les mets jamais, ces casquettes, oui, Floodcast, bah, parce que c'est, non, un peu ridicule, c'est ridicule, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je me dis, ah, je vais les offrir. Et donc je dis, ok, qui était au Neuverdial, qui était la première personne qui est venue? Et il y a un gars qui lève la main. Je fais, ok, bah t'as la casquette. Les gens applaudissent, etc. Et bref, on donne des DVD et je donne Mulan à une meuf. Et je vois qu'il y a une petite fille de 6 ans, 7 ans, très jeune, qui venait avec sa grand-mère, tu vois, et qui dit, ah, oh, moi je voulais trop Mulan. Et je fais, ah bah désolé. Donc je dis à la meuf, désolé, hein, je te prends le DVD. Et en fait, je me revois le faire où je lui demande pas vraiment son, ouais, avis. Mmh. Et en fait, elle était vraiment déçue. Elle me dit, mais en fait, c'est mon Disney préféré. Et tout. Ah, et je, ouais, fais, ah merde, merde. Donc je dis, bah, tu veux une casquette Floodcast? Donc je donne une deuxième à elle. Elle est contente, mais franchement, je pense pas tant en vrai. Et à la fin. Attends, c'était un DVD dédicacé par José ou... Même pas. Oui, bah donc. Casquette Floodcast, c'est beaucoup plus rare. Bah, peut-être qu'elle aime pas le Floodcast spécialement. Oui, elle aime juste Mulan, peut-être. Ouais. Et à la fin, il y a un gars qui. Donc je fais des photos, des dédicaces. Il y a un gars qui fait. C'était pas lui le premier. Ouais, le gars il a menti, hein. C'était moi le premier. Oh là là, ouais, mais comment savoir. Et je fais, ah. Bah, surtout que j'avais insisté, je fais, vous mentez pas. C'est bien mais, toi. Mais c'est... qu'est-ce qu'il faisait lui pendant ce temps? Bah, c'est. Ce nigo. C'est un peu. On s'en est parlé hors antenne. Je pense qu'on a aussi une partie de notre public qui est pas le plus à l'aise en public, ouais, ouais, extraverti. Et du coup, il s'est pas dit non, c'est moi en fait. Non, mais il a même pas levé la main. Non, rien, il s'est rien passé. Ouais, bon, bah, là, donc j'étais un peu gêné, donc ouais, je me suis excusé auprès de lui. Lever la main, c'est, même si t'es introverti, lever la main, c'est quand même pas une grosse implication. Mais j'étais trop emmerdé, j'avais plus de casquette. Tu vas pas te plaindre à la fin. Non. Il a menti, hein. Bah, non, et le gars, la main, en fait. Et je pense que le gars a pas menti, qui a pris la casquette. Je pense qu'il pensait vraiment, il a pas dû le voir. Tu sais, genre, je sais pas, peut-être qu'il était au fond de la salle et quand tu rentres. Si tu regardes devant toi, tu regardes pas derrière. Enfin, oui, tu vois. Oui, non, je pense pas qu'il ait menti, le gars. Non, mais qui a... tout va bien pour moi. Mais, non, ça, mais attends. Mais j'aime bien ce nouveau perso d'Adrien qui juge un petit peu les anecdotes et les trucs. Tu l'as déjà fait dans le dernier. Et j'aime vraiment bien de. Ça, ça passe. Oui, non, mais. Non, mais c'est ok. Moi, c'est mais okay. Je vais t'acheter un petit marteau. Juge Adrien. Ouais. Juge Adrien. Et à un moment, tu dis pour moi, c'est ok. Mais non, mais bon, il faut. Si jamais. Parce que ça se trouve, c'était le mec de la fin, le menteur. Ça, oui, oui. Pas, ça, twist. Si il mentait pas. Bah, c'est une belle leçon de vie pour lui. Lève la main et tu vas pas te plaindre après parce que si t'as pas fait le truc pour obtenir ce que ton dû. Bah oui, non, bah attends. Bah voilà, mon pote. La prochaine fois, tu lèveras la main. T'as... Pardon. Non, mais c'est bien sûr. Tu mérites peut-être te faire voler. Malheureusement, ça arrive. Autre anecdote que j'ai notée. Alors, on en a un petit peu parlé la dernière fois, mais on pourrait quand même revenir dessus. Il y a eu la projection à Montpellier. Montpellier. Attends, c'est là où il y avait Patrick Beau. C'est là, oui, entre oui, autres. Incroyable. Alors, comment tu veux parler du Pirate Paradise, c'est ça? J'aimerais aller tout doucement vers le Pirate Paradise. Est-ce que tu peux un peu raconter comment ça s'est passé? Toujours. Et j'y pense. C'est-à-dire que j'ai cherché si en Île-de-France il n'y avait pas des restos. Des équivalents. Thèmes. J'ai cherché, hein, s'il y en avait. J'ai vu que tu avais parlé des cow-boys. Bon, il y a un resto. Voilà. Oui, apparemment, il y a un resto cow-boy. Ah oui, bah, c'était dans une ville où vous étiez, je crois, non? Ouais, je sais plus laquelle. Mais... Quand? Peut-être. Je sais plus. Ouais. Je vais faire des recherches pendant que tu racontes cette histoire du Pirate Paradise. Mais parce qu'en fait, c'était après Toulon ou avant Toulon, je sais plus. Oh, je sais plus, mais en gros, on était dans le sud. Si, parce qu'on a fait Alès-Montpellier et le lendemain, on faisait Toulon-Marseille. C'est ça, donc c'était avant Toulon-Marseille. C'est ça. Non, tu veux que je re-raconte le truc? Bah oui, bah, carrément. Je vais essayer de faire vite. Ah, comme Balatro, Vorace. D'accord. Déjà marqué cette histoire de Balatro. On m'en parle. Et je vous emmerde encore. Non, mais on sent que la Non, mais j'aime pas que ça devienne un running gag. Balatro. je t'emmerde. Je l'ai jamais relancé. Tu non, non, pas, non, non, non, je suis très respectueux de cette histoire. Et surtout, oh, putain, je fais une parenthèse, car rien à voir avec le film. Pardon, Florent. Me faire passer pour ce mec. Non, je rigole. Mais aujourd'hui, comme quoi, c'est pas moi qui suis dessus. Aujourd'hui, à 8h25 du matin, je reçois. Je viens d'écouter la fin de l'épisode avec Pyjama. Petit 1, on les emmerde bien tous. Alors, très bonne façon de commencer un message. Je ne sais pas, alors ça doit être en... ça rebondit sur un truc que je dis dans l'épisode, mais je me rappelle plus quoi. Ouais. Petit 2, merci de nous faire découvrir de superbes jeux. Oh. Petit 3, ton explication est juste longue, mais précise. Et après il dit, petit 4, et si c'était trop facile, je ne rigolerais pas autant à chaque explication. Là, ah, j'ai juste pas compris. Ouais, c'est étrange. Mais merci. Bah oui. J'aime bien qu'il ait quand même été un peu honnête. C'est, oui, c'est clair, c'est long. Oui, non, mais soyons ça... très honnêtes, c'est long. Non, mais voilà. Donc, du coup, j'en ai oublié. Oui, je vais faire court. Du coup, l'inverse, déjà immédiatement, j'ai fait une immense parenthèse. Tout va bien. Eh, hey, la pensée en arborescence, vous connaissez, c'est ce qui fait mon génie. Je rigole. Je rigole, je me hais. Non, et donc, on a une projection le soir à Montpellier. Dans un endroit qui s'appelle l'Odysseum, qui apparemment ressemble à Disney Village. Village. Voilà, ouais, ouais, je suis jamais allé, mais voilà, il paraît que ça ressemble à ça. Donc déjà, il y a un côté un petit peu excitant. Et la tradition, quand on a une projo vers l'heure du dîner, c'est de manger avec l'exploitant, qui est la personne qui dirige le cinéma où on va projeter le film. Et qui nous invite au restaurant. Et qui nous invite c'est lui, au restaurant. C'est l'exploitant donc, qui paye. Gratos pour nous. On n'a rien payé. Et donc, ce qui était prévu, c'était... qui était... ce qui devait être normalement le highlight de ma journée, moi, puisque c'était, je m'attendais pas à tomber sur Pirate Paradise à l'époque, mais ce qui était prévu, c'était un restaurant qui s'appelait, un resto italien qui s'appelait Il Ristorante, qui est... Alors pardon, parce qu'on a des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Ah, c'est le resto d'un pote à nous ». Oui, mais je crois alors c'est une firme, hein, je crois, Il Ristorante, ah ouais. J'en ai vu d'autres. Terrible nom, voilà. Vraiment, j'ai un restaurant italien, comment je vais l'appeler? Pourquoi pas le mot restaurant en italien? Il n'y a pas d'effort. Voilà. Mais ça me régalait parce que j'ai une petite passion. J'ai beaucoup de passions de niche, mais notamment une sur les noms de restos italiens nuls. Moi, j'avais vu une fois un qui s'appelait La Trattoria della Pizza. Oui, bon, La Vesuvio. Et bref. Et on arrive et. On voit au loin une enseigne Pirate Paradise et je fais non mais attendez, excusez-moi, si c'est un restaurant à thème pirate, faut au moins qu'on aille boire un coup là-bas. Donc je cherche sur Google, c'est exactement ça, c'est au-delà de ça, oui, ouais, c'est ouais. Au-delà de nos rêves les plus fous. Donc je dis ah putain, on y va et tout. Donc on se dit ok, on va boire un verre au Pirate Paradise. Donc c'est magnifique. Je sais pas comment décrire. C'est oui, c'est le. Il y a un truc comme ça à Disney apparemment. Oui, c'est un peu Pirate des Caraïbes l'attraction, mais là c'est vraiment en restaurant. Il y a un restaurant. Oui, pirate, bah, qui quand tu prends le bateau au début, tu vois un peu le restaurant à travers les bateaux. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, mais ce qui est mon drame, c'est-à-dire que moi j'ai cherché est-ce qu'il y a de restaurant pirate en région parisienne, j'ai vu oh putain il y en a un tel endroit, mais c'est celui de Disney. Ah, donc, faut pas y aller. Ouais, non, voilà. Non, et puis il y a une odeur de chlore. Parce que c'est je rappelle, mon anniversaire approche, donc je me suis dit. Pourquoi oh là là. Pas J'ai envisagé de faire mon anniversaire au Pirate Paradise de Lille. Voilà, je le dis. La logistique est un peu compliquée parce qu'il faut que je paye le train à tout le monde et tout. Mais peut-être que j'ai pas abandonné l'idée. Oui, pas en dehors de la table encore. Peut-être en petit comité, peut-être qu'on va. Voilà. Et donc on y va. C'est un rêve éveillé. Moi j'adore les décors carton-pâte, nul, ringard. Donc je suis au paradis. T'es au Pirate Paradis. Au Pirate Paradis. C'est vrai que Coolio a chanté le Gangsta Paradise, mais là, attention la reprise Festival Robles qui peut naître à tout instant. Oh là là, oui, j'ai du temps libre en plus, j'ai fini mon travail. Ouh là là. Non, et donc il se décide que en fait on ne va pas juste boire un verre, non. On va manger au Pirate Paradise parce que je le souligne parce que c'est assez rare, il y a un burger vegan au Pirate Paradise, donc bravo. Il est pas fameux, on va pas se mentir, mais il y en a un, donc stylé. Mais c'est là où on a vu qu'on était quand même assez similaires tous, parce que il y a quand même eu beaucoup de recherches Google sur avis Google sur la nourriture, parce que on était plein d'a priori, il faut le dire. Pirate Paradise, alors, tu te dis ils ont mis l'argent. Moi, ils auraient chié dans mon. Moi, j'étais. D'habitude, je suis avis Google et tout. Là, pour le Pirate Paradise, ils auraient pu me servir littéralement de la merde encore attachée au cul du cuistot. Du pirate. Du pirate. J'aurais dit oui, tout va bien. tout va bien parce qu'il y a un petit squelette qui parle. Voilà. C'est ok. Et non, et donc, et bon, on était tous très contents, sauf l'exploitant qui était clairement deg. On peut le dire. On l'embrasse. En plus, ils ont été adorables à Montpellier, mais c'est vrai que. Et il est venu et il avait ce sourire, je sais pas comment dire, sourire joue pincé de dire oui, bon, bah, oui. Il est arrivé vraiment avec ce sourire-là, genre oui, bon, bah, d'accord. C'est là où il s'est dit. Et où il s'est dit. Oui, c'est leur premier film. Ces gens-là ne sont pas encore vraiment dans le cinéma. On sent qu'ils sont venus sans Charlotte Gainsbourg et sans José Garcia. Et on sent que sur le chemin, il s'est dit bon, ils doivent être jeunes. Et puis il m'a vu, il a fait ah non. Même pas. Il a bientôt 44 ans, celui-là. À vue de nez. Aïe. Celui qui applaudit le spectacle en dansant, là. Alors, avec ton autorisation, on pourra absolument les mettre sur l'Insta du podcast. Moi, j'en ai posté une partie. J'en ai vu passer une partie, mais moi, j'en ai énormément. Oui, oui. J'ai fait un vlog de cette soirée, je tiens à vous le dire. Fais-toi plaisir. Qui passe. Bon, la mise en scène est toujours la même. Je commence sur un pirate et je fais un panneau vers Adrien qui a une réaction. Voilà. Et je tiens à dire, c'est pas joué. Hein. C'est pas un truc, ah vas-y, je fais ça et tout. C'est mes réactions. Sincères. Tout est très premier. Des enfants. Enfin, je fais le con. Non, je fais le con, bien sûr. Non, attends. Mais non, parce qu'il y a Jimmy qui le fait, il y a aussi Adri. Oui, Adri fait le con. Oui. Mais bien sûr. Non, mais je fais le zozo. Mais c'est pas des trucs on s'est dit, on va faire ça. Je savais même pas qu'il me filmait souvent. Bref. Il y a eu ce moment aussi où je vais pisser et où je vois un endroit pour te prendre en photo et j'arrive pas à expliquer l'état mental dans lequel j'étais où j'ai accéléré le pas pour retourner à table pour dire Adrien, il y a un endroit où tu peux te prendre en photo déguisé en pirate. Il faut absolument que tu postes parce que c'est. Je t'avais demandé de faire un plan où, genre, t'es très très loin du truc où on passe sa tête. En gros, il y a un pirate et on passait sa tête pour être le pirate. Pour être le pirate, ouais, voilà. Mais sauf que je t'avais demandé de filmer, mais de très très loin où on voit tous les gens qui mangent et moi je suis tout seul avec ma tête. C'est et il y a des enfants qui. Ça, bon, c'est. Là, pareil, je vous amène derrière le rideau. Mais il y a des gosses qui passaient devant moi et j'ai dit bonjour. Et ils ont fait bonjour. Vraiment, tout à fait normal. Hein. Un vieil adulte qui est tout seul dans le truc. Ils ont fait oui, bonjour. Normal. Vous profitez. C'est le Pirate Paradise. Pourquoi s'en priver? Mais voilà. C'était mon rêve de me dire mais putain, imagine, on serait venu avec Charlotte et José. Alors là, ça aurait été voir Charlotte dans le Pirate Paradise. Non, mais on se serait régalé. Je pense que là, il y a peut-être un. Enfin, après, on leur fait de la pub gratos, mais il y a peut-être un partenariat à faire avec le Pirate Paradise. Moi, je pense que. Alors, non seulement ça. Lille, c'est une heure de train, c'est vraiment. Oui, parce que là, on parle de celui de Montpellier, parce qu'on était à Montpellier, mais effectivement, il y en a un à Lille. À Lille, voilà, j'ai dit, voilà. Il y en a un à Lille, on a regardé. Et voilà, et même vu qu'ils sont à côté du cinéma, j'invite l'exploitant du pâté pour toutes les prochaines avant-premières de Montpellier, ne proposez plus Il Restaurante, emmenez tous ces gens au Pirate Paradise. Imaginez un peu la beauté des photos à l'entrée du pâté Montpellier. Et d'ailleurs, pour clore, parce que ça on l'a pas dit la dernière fois, ouais. Parce que j'étais même pas au courant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, donc ça veut dire déjà que les gens sont allés. Des gens sont allés sur le compte du Pirate Paradise, ouais. Et ont maté leur story épinglée, ce qui me régale. Quelqu'un m'a envoyé, parce qu'ils ont des stories épinglées, et il y en a une, c'est les célébrités qui sont passées. Ah. Mais je te l'ai envoyé, mec. Mais je l'ai pas vu. Mais je te l'ai envoyé. Mais en je suis gros, passé à côté. La photo qu'on a prise tous les deux avec le mec déguisé en pirate, ils l'ont mise dans la story épinglée célébrité, mais le petit twist. On n'est pas tagué, ils ne savent pas qui on est du tout. Alors, ils ont entendu Sinoche, ils ont fait allez. Alors il y a Frédéric Diefenthal, déjà, on peut le dire, de Taxi. Voilà, qui m'a suivi d'ailleurs pendant. Parce que je t'avais envoyé la photo. Le lendemain, moi j'avais fait une journée de plus à Marseille, j'avais pris un hôtel. Oui. Tout bonnement, une photo de Frédéric Diefenthal. Mais cela dit, voilà, encore une j'ai fois. J'ai marché sur ses pas, tout bien simplement. Sûr, et puis on parle de Marseille, avec Taxi, Fred la Diff, bonne mère, c'est bien quand sûr. Même. Non, mais c'est quand même une icône nationale. Oui, mais là, voilà. Le mec, il était au Pirate Paradise de Montpellier. Enfin, j'ai marché sur ses pas. Voilà. Mais t'es le Fred Diff d'aujourd'hui, t'es le nouveau Fred Diff. Il y a eu Alexandra et Audrey Lamy qui sont également venus au Pirate Paradise. Bien sûr. Alors là, je connais pas, je vais être très honnête. Ah si, bah c'est un rugbyman de Montpellier. Ah oui. Voilà, oui. Donc ça j'ai oui, pas. Parce que là les gens sont tagués jusqu'à présent. Ouais. Oui. Ah Artus, il est allé le 14 mars également. Là, je sais pas qui c'est et là pour le coup pas tagué, rien, je sais pas. Oui, qui avec c'est. Des masques en plus ouais. Sur le visage. Donc rien ne fonctionne et on est à la fin. Et la photo est vraiment bien. Et j'ai mon petit et t'as ton mon petit bol pirate. Oui, parce que t'as acheté une tasse boulet de canon, il faut évidemment, le dire. Je payais pas, donc j'ai pris le cocktail. J'ai pris le cocktail boulet de canon qui te permet de ramener le contenant chez toi. Ils ont pris la photo un peu tard, on sent que je suis en début ou fin de pause. Vraiment, regarde ma gueule. Et ton, bah oui, le bras, je pense que j'ai voulu faire le pouce, pour... ouais. J'ai voulu faire le pouce, mais ils ont pris avant ou après, et du coup, la gueule, oh là là, quelle horreur. Et je rappelle que Marco Mouli, le célèbre escroc, est en cavale. Ne cherchez plus. il travaille au Pirate Paradise. Il gère le Pirate Paradise. Il est déguisé en pirate au Pirate Paradise. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Il y a beaucoup de voix françaises connues aussi. Tous les gens qui connaissent les voix de Jim Carrey, de Margot Robbie, etc. Il y a beaucoup de voix. Il y a des images. Plus que les voix. Jack Sparrow. Il y a Jack Sparrow. Et toujours aujourd'hui, s'il y a des gens qui travaillent. Comment c'est possible? Parce que oui. C'est bizarre. Peut-être qu'on est en train de les foutre dans la sauce. Genre, ils passaient sous le radar jusqu'à présent. Oh non! Là, il y a. Apparemment, il y a un podcast d'investigation qui a mis toute la lumière sur le Pirate Paradise. Non, s'il vous plaît, si vous êtes. Paradis ou enfer? Dans les coulisses du Pirate Paradise. Paradis, tu veux dire l'ex de Jack Sparrow? Tout se recoupe. Jugez le coiffeur, mettez-moi une petite nappe. Laissez tranquille le Pirate Paradise. Non, voilà, on a passé un trop bon moment. Est-ce qu'on peut garder des choses, s'il vous plaît? Voilà. Peut-être qu'ils ont volé totalement les droits de Disney. Et déjà, est-ce qu'il a besoin de ça, Johnny Depp? Je pense pas. Je pense qu'on s'en fout un peu de son avis. Et bon, ça fait plaisir. Non, mais voilà, on a passé un très très bon moment au Pirate Paradise. On a beaucoup ri. Les Montpelliérains, parce que c'est vrai qu'on a vu, il y avait plein de streamers qui étaient et qui même eux-mêmes n'y avaient pas foutu les pieds, ne connaissaient pas le Pirate Paradise. Oui, et on a piqué leur curiosité. Il faut dire qu'on était avec Patrick Beau. On a amené Patrick Beau qui était. Il était au Paradise. Bah, lui qui est habitué à des cabinets de curiosité. Quel bon nombre de curiosités étaient dans ce cabinet. J'ai retrouvé le resto de Cowboy. Ah. C'est Joe à l'écro. Oui. Voilà. Et alors, c'est pas du tout dans une ville qu'on a fréquenté, parce que c'est à Saint-Marcel-les-Valences. Oui, mais ça doit être pas loin d'une ville que vous avez faite, non? Genre Valence, par exemple. J'ai pas fait Valence. Non, remarque. Mais non. Sinon, près de Valence. Bah, Saint-Marcel-les-Valences, j'imagine. Oui, attention. Non, mais attends, t'as raison. Je ne vais pas monter sur mes grands chevaux. Oh, le cowboy que je suis. Cowboy. Mais il a fait. Il y en a d'autres. Hein. J'ai tapé restaurant cowboy. Il y en a à Honfleur, le Uncle Scott Country Restaurant. Et là, tu vois, il y a de la moto. Alors, c'est ouais, un peu moins. Non, mais oui, non. Oui. Mais non, c'est pas un saloon. Moi, je veux un truc. Moi, je veux un saloon. Bah là, regarde. Je veux un saloon là, il y a mal cowboy, fait. Quoi. Il a une tête de Oula. Cowboy. Oui, oui, oui. C'est Joe Dalton. Oui. Voilà. Là, t'es dans un saloon. Là, c'est un saloon. Ah, ouais, Oh là là. Mais avec quand même pas trop d'efforts, quand même. Bah, c'est-à-dire que vous passez après le Pirate Paradise. Ah oui, mais pardon. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fait Disneyland. On veut bien aller à Walibi, mais bon, on a fait Disneyland, quoi, donc c'est forcément. D'ailleurs, on veut bien aller à Walibi. Mais on va où vous voulez. Ouais. Gros big up au Futuroscope également, qui a fait des vines, j'allais dire. Bah, des reels. Des reels et des TikTok mais en reprenant les répliques de Nous les Leroy. Ça qui parle du Futuroscope. Qui parle du Futuroscope, donc ça nous a bien amusé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, oui, c'est vrai qu'il y avait un Escape Game Fort Boyard juste à côté. C'est ça, vrai. On en avait parlé aussi, mais ça, on n'a pas pu le faire. Allez à l'Odysseum et faites-vous une petite soirée. D'abord, fin de journée, là, fin d'après-midi, Escape Game Fort Boyard. Et ensuite, vous allez dîner au Pirate Paradise. Un régal. Un vrai régal. Alors ça, bon, ça, tu n'étais alors, pas là, donc. Ah, dis-moi, attends, dis-moi. Parce que si on est sur Montpellier, est-ce que je peux juste parler vas-y. C'est-à-dire que on arrive, avant, tu couperas si tu veux pas que j'en parle, mais avant la projo à Montpellier, on a fait une projo dans un festival à Alès. Oui. Et avant la projo, on faisait une radio. Ouais. Normalement. Et je peux le. Oh, je peux wow, le... Tout donc, va bien. Ouais. Donc en gros, on devait faire une radio. Et moi, j'ai un rôle qui est évidemment une masterclass, mais qui reste un petit rôle dans le film. Et du coup, je le voyais bien dans les questions-réponses. Et je dis pas avec du seum, c'est totalement normal. Évidemment qu'il y a plus de questions pour toi. Et que quand il y a des questions pour moi, c'est soit des gens qui aiment bien le floodcast et du coup qui s'intéressent à moi, soit des gens qui ont pitié de moi et qui disent je vais lui poser une question aussi à lui. Donc. Très vite, je me dis, ça n'a aucun sens que je fasse les radios. C'est plus intéressant que tu sois tout seul à parler de ton film, en fait. Donc, on arrive à Alès et je dis, je vais pas faire la radio, quoi. Donc, okay, non, c'est des radios locales, souvent, voilà. France Bleu de chaque radio, enfin de chaque ville. Pas, là, c'était pas par France Bleu, mais voilà, c'est un truc qu'on fait souvent quand on fait la tournée. Voilà. On fait un peu les radios locales parce que, bah voilà, pour parler vraiment à tout le monde. Et donc, je dis, moi, je vais pas la faire la radio, voilà. Alors, je ne sais pas à quel point le mot était vraiment passé. Mais vraiment, 30 secondes avant que ça commence, moi j'étais en train de prendre le soleil. Bah, tu te chillais à ce moment-là. Hein. Et une des organisatrices vient de me dire, c'est maintenant la radio, ça commence. Donc je dis mais non mais j'ai dit que je la faisais pas. Elle me dit ah bah si si vous êtes attendu et tout. Ils ont préparé des questions. Non non ça c'est le c'était le lendemain. Okay. Ouais. Donc je dis mais je bon allez ok d'accord. Donc j'y vais. Et donc déjà ça commence petite mise en bouche. Toi tu dis oui alors je m'inspire de nanana le cinéma de Jaoui et Bakri. Et le présentateur dit alors qui est Jaoui qui est Bakri de vous deux. Donc toi avec beaucoup d'élégance tu dis bah je sais pas si je suis Agnès Jaoui mais en tout cas c'est sûr qu'Adrien c'est Bakri. Et il dit ah oui une histoire de calvitie j'imagine. Je dis oui bon. C'était le moment où tu pouvais être un peu sympa mais, ouais. Mais non. Sachant première fois qu'il m'adresse la parole de l'interview hein. Donc je dis ah oui oui j'ai bien fait de... J'ai bien fait de venir me chercher pour ça. Et donc il fait. Et alors justement donc bon, Florence est plus concentrée sur la réalisation et vous plutôt sur l'écriture du film. Donc je dis bah non non pas du tout je suis juste j'ai une petite scène dans chaque acteur quoi. Il fait ah d'accord bon tout ce que j'ai toute mon intervention dans le a été de le contredire. A été de dire non non j'ai pas écrit le film. Ça n'est je sais pas j'étais mal renseigné. Bah il l'avait pas vu hein faut dire aussi il l'avait pas vu. C'est le résumé des petites anecdotes que je vais raconter là. On peut bosser. Et du coup, le lendemain, on faisait Marseille. Ouais. Et avant, on va à Aix-en-Provence et on fait. On devait faire France Bleu. Ouais. Et du coup, fort de mon expérience où je me suis dit j'aurais vraiment dû insister pour pas faire la radio. On arrive et là je dis bien à la personne qui nous accompagne, je lui dis dis-leur tout de suite que je ferai pas l'interview, ça sert à rien. Et donc on le dit au mec qui nous accueille et le mec répond un peu vexé. Déjà il y a une sale ambiance qu'on arrive. Déjà il y a une ambiance bizarre. C'est-à-dire qu'il fait, on arrive, on est en train de chiller devant parce qu'on est en avance et le mec sort, il fait bah faut rentrer hein. Donc on rentre. On va dans le studio, il fait bah c'est pas maintenant, vous pouvez attendre dehors. Bon, bah, qu'est-ce que tu non mais parce que y a, et moi-même je rentre dans le studio et l'acteur dit ah non non non c'est pas maintenant hein. Et donc il y a l'autre gars qui fait ah bah non non c'est pas maintenant. Fait, oui, bon, vous bah, pouvez attendre dehors si vous voulez. Oui ce, bah, qu'on faisait, À ce moment-là l'animateur qui a été derrière très sympathique oui, mais oui, du coup oui. Ma première interaction avec lui a été un mec qui me dit même pas bonjour et qui dit non non c'est pas maintenant. Ah, ok bon bah donc ambiance étrange effectivement et du coup donc la personne danse de vidange bien sûr je sais pas écoute ambiance étrange danse de vidange une danse de vidange je vois un truc immonde moi mais bon malheureusement et donc la personne qui nous accompagne dit au gars bah ce sera juste Florent okay. Et le mec dit ah oh, d'accord bah moi on m'annonce deux personnes je m'attends à deux personnes j'avais préparé des questions mais bon comme vous voulez un peu vexé donc ouais. Je fais calmos ouais on dit, donc, bah, dommage pour lui mais c'est pas si c'est grave, pas ouais. Si grave ouais. Et donc l'interview commence. Moi je t'attends dans la pièce d'à côté et j'ai le bonheur de l'entendre dire oui alors il y a des seconds rôles. Il y a Jérôme Niel, il y a André Méniel. André hein. Donc tu le reprends évidemment. Moi j'ai un immense sourire en me disant je te vois de l'autre côté. Je te vois à travers le studio. Donc un régal et donc ça c'est le premier truc. Et bon je vais faire vite mais du non, coup non, bon, le soir même on fait Marseille et la première séance, la personne qui. Il y a toujours quelqu'un qui nous présente, qui introduit, ouais. Qui pose des questions, et il dit je vous demande de faire un tour d'applaudissement à Florent Bernard et Aurélien Méniel. Je fais oui, bon, c'est pas mon nom. Voilà. Une fois de plus. Et petit bonus, ça, je sais pas si je te l'ai raconté. Ah ouais le soir même de l'avant-première, alors il faut savoir que. Ah, tu veux peut-être pas. Bah non, mais on c'est coupe, non, mais en gros. Non, non, non, non, mais c'est parce que peut-être tu veux parler de l'avant-première après, mais bon. Je fais un flash forward. Non non en gros comment ça se passe dans une avant-première c'est qu'il y a une salle avec les gens VIP et il y a un espace photoshoot où il y a plein de photographes ouais. Et quand il y a des gens qui les intéressent genre par exemple quand Jonathan Cohen arrive oui. Ils font hey, Jonathan viens prendre une photo. Donc là tu parles de l'avant-première à Paris à l'UGC Normandie. Je parle de, ouais. Oui, de l'avant-première à Paris. Donc il y a par exemple Jonathan Cohen qui arrive, ils font hey, Jonathan une photo Jonathan ouais. Moi j'arrive, silence total bien sûr. Déjà t'y vas pas de mémoire. Tu dis mais quoi je dois y aller on non, fait... non non c'est pas ça c'est que... Non non mais moi je parle quand les gens arrivent dans la pièce ah, oui, c'est oui, des pardon. Gens connus, oui, oui. Ils sont à l'affût okay, et ils leur okay. Demandent de venir okay, moi excuse-moi. Personne oui, ne oui. Demande quoi que ce soit. Mais moi non plus je te rassure hein, ouais, ouais, ça, ouais, c'est ça, tout à fait humiliant ouais, ouais. Parce que moi à la limite mais toi c'est vraiment ton film quoi. Oui oui mais bah, après. Et donc je me dis bon bah ok. Et donc il y a quelqu'un c'est pas que je veux pas y aller. C'est juste que quelqu'un me dit bah tu veux faire une photo si tu veux. Alors je dis bah je sais pas, dites-moi, va faire une photo. J'ai pas oui. Envie de dire oui, j'ai envie de faire une photo. Donc je dis oui oui bon d'accord. Donc je fais la photo et vraiment je vois le regard des photographes qui se disent qui est ce gars. Et il y a quelqu'un qui dit, et je vois un mec qui prend une initiative qui dit « Ouais, Aurélien !» Je fais, ah. Ouais. J'avais pas que c'était Aurélien encore. Je fais, et donc, il y a peut-être une photo. Elle y est. Non. Ah, une photo où je suis en train de dire « C'est Adrien ». Où j'ai vraiment genre... Les épaules genre, un peu levées. Une affiche non, de stand-up. Et non. Désolé. Donc voilà. Donc si c'est si jamais j'avais eu la grosse tête en me disant ça y est je suis dans le cinoche. Oh là là, le chemin est encore bien. Le nom de famille est rarement écorché. Le prénom c'est pas encore parce ça. Qu'il est jamais. C'est remarque c'est vrai que. Ouais, il aurait pu Mestriel, Mesrel, Mesrahi, ouais. Raphaël Mesrahi, il aurait pu t'appeler. C'est vrai. Non mais comme quoi les gens qui disent je crois que c'est Aurélien Prévost qui disait ah oh, mais je savais pas que les Adriens on les appelait. Aurélien, ah ouais. Parce que lui l'inverse. C'est l'inverse, on l'appelait Adrien. Et ce que j'avais découvert dans Commencer loin, je savais pas que moi l'inverse c'était vrai, mais du coup oui je confirme, hein, on m'a vraiment appelé Aurélien. André c'est fou. Parce qu'André t'as 64 ans. Mon préféré. Bah, ou alors je suis c'est malheureusement le titre de cet épisode. André Méniel. Voilà, docteur André Méniel peut-être. Non, je sais pas. Mais de toute façon, j'ai remarqué un truc. Quand je dis là les depuis un moment quand je dis oh ça va être le titre de l'épisode tu ne choisis jamais. Ah ouais, ouais. Merde, pardon. Quelqu'un m'a dit oui c'est vrai j'ai remarqué. Ah merde, j'ai non, pas fait c'est gaffe. Pas grave mais oh, je pense que t'as attention. Je pense t'as envie de prendre les gens à contre-pied et non ça. Mais j'ai c'est envie là de où prendre... je tu les prends à contre-pied comme dans Nous le roi. Oh là là. Tantôt on rit tantôt on pleure, allez le voir. Ah bah attends, vous rigolez ou quoi? Mais cela dit, à l'avant-première du Normandie j'ai eu un peu pareil. Alors on m'a pris en photo. Et après, à la fin, il y en a qu'une, hein, qui a fait. Et donc, vous êtes qui? C'est pour le Getty Images. Hein. Oh là là. Je l'ai écrit, réalisé. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi, je m'en fous vraiment parce qu'en plus, je trouve que. Non, mais. En tant que... Non, mais toi aussi, je moi, sais. Moi, je m'en mais... fous. Moi, je me régale juste être en photo, que ma vie soit un épisode de The Office anglais, quoi. C'est ça. À chaque fois que ces gens. On m'appelle dans la même journée, on m'appelle André et Aurélien. Mais ce qui est très drôle, c'est que. Tu sens qu'ils doivent avoir des gens qui parfois le prennent très mal parce que à la donc je dis je l'ai écrit réalisé, elle fait oh, pardon et j'étais genre non mais c'est trop oui, genre elle s'est vraiment allongée par terre de je suis désolé. Non je pense pas qu'il y ait Jean Rube dans le cinéma, je pense pas, hein. Bah alors on va pas dire son nom mais avec Adrien on avait un running gag pendant toute la tournée d'avant-première, on disait alors on imagine un nom qui n'existe pas. Pascal l'acteur disons voilà. Donc l'acteur en question ne s'appelle pas Pascal, n'essayez pas de chercher, appelons-le Pascal l'acteur. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose je disais, ou Adrien disait, vous auriez jamais fait ça à Pascal l'acteur. Sauf que nous on citait un vrai nom à ce moment-là sans vraiment de raison, en plus c'était un acteur qu'on a choisi comme ça, le nom sonnait bien. Et première fois je fais cette blague genre je demande une bouteille d'eau, on me dit je te l'amène à la fin du truc, et je fais waouh ok vous n'auriez jamais fait ça à Pascal l'acteur. Ouais. Et en fait, première fois que je le fais, on dit « Ah oh bah non !» De toute façon, parce que l'acteur, c'est un connard. Donc, waouh, ok. Vraiment, on n'a pas mis une grosse pièce dans la machine. Hein. On a juste dit ça. Je fais « Ah ok, d'accord. » Et là, à ce stade, c'est vraiment les gens qui bossent, enfin qui accompagnent les acteurs et tout sur les avant-premières. Donc, on se dit « Ah oui, ils ont passé du temps avec lui. » Oui, c'est peut-être qu'ils ont passé un mauvais moment. Ensuite, et donc ça devient une espèce de running gag entre Adrien et moi, où à chaque fois, on se dit « Ok, vous auriez jamais fait ça à Pascal l'acteur, quoi. Moi, j'ai le temps d'aller pisser. Ah, ça va être un peu court, Flo. Waouh, ok, vous auriez jamais fait ça. Pascal l'acteur, il aurait eu le temps d'aller pisser. Il aurait eu le temps d'aller pisser, mais ok, bon, pas de soucis. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait cette blague, 100% des gens, tous les exploitants de salle, on de dit France, ah bah oui, va bah, Pascal l'acteur, tu m'étonnes. Un immense connard, Pascal l'acteur. Et on fait waouh. Jusqu'au chauffeur. C'est incroyable. Le chauffeur. Enfin, un chauffeur qui nous a amené je sais plus où, qui venait nous chercher à l'hôtel, on dit Pascal l'acteur, il fait ah ouais bah oui ouais, Pascal l'acteur ouais, une vraie merde. Donc voilà, donc on s'est rendu compte. Donc abonnez-vous à Cast Plus pour avoir le nom de bien sûr l'acteur. Ça ne te concerne pas, mais je voulais juste envoyer un énorme big up aux Suisses. J'ai pris votre TGV de Suisse à Paris. Oh là là, une merveille. Oh là là. Bah, oh la, mon Suisse, Dieu. La Suisse, bon après c'est... Alors après ils m'ont régalé, hein, parce qu'en fait ce qui s'est passé, et je salue, je crois que c'est Pathé qui distribue Nous les Leroy en Suisse, c'était un peu marrant, ça avait pas mal commencé, mais c'était un peu marrant, puisque effectivement, sur les avant-premières, ça s'est rempli très vite. Okay. Les séances, ah oui, c'est en partie grâce aux auditeurs du Floodcast, c'est que quand j'annonçais une date, souvent les gens prenaient leur place très vite, et du coup les dates étaient complètes assez rapidement sur certaines villes. Certaines villes non. Je pense à vous, l'Est de la France, vous n'avez pas été extrêmement... Voilà. Après avoir chouiné parce qu'on ne faisait pas la tournée chez vous... Ouais, c'était pas toujours complet, mais bon. Et bref, tout ça pour dire qu'on annonce la Suisse, et effectivement, on remplit une salle de ciné extrêmement vite. Genre vraiment en 2 minutes, je crois. Et c'est normal, on n'est jamais venu en Suisse. Enfin, là, en l'occurrence, j'étais tout seul, mais mine de rien, on a tout rempli très vite. Et donc, je dis au pâté suisse, enfin, la personne qui gère ça, je fais, alors, que vous sachiez, peut-être on peut en mettre une deuxième, parce que nous, ce qu'on a fait souvent sur la tournée de Nous les Leroy, c'est qu'on faisait deux, voire parfois trois séances par soir, bah, pour que le plus de gens possible puissent voir le film, quoi. Et elle me dit, non, c'est un bug. Hein, donc, c'est impossible de remplir aussi vite. C'est impossible de remplir aussi vite. C'est un bug. Et donc, du coup, t'es partagé, parce que tu te dis, peut-être c'est vrai. Et donc, si je fais le connard en disant, non, j'ai un public qui remplit très vite, et qu'en l'occurrence c'est un bug, bon bah je deviens Pascal l'acteur. Pascal l'acteur. Malheureusement je suis Pascal l'acteur immédiatement. Peut-être le titre, ça, Pascal ça l'acteur. Ça commence à devenir, mais voilà. Et... André Méniel et Pascal l'acteur peuvent être un bon compromis. Franchement, ils peuvent vivre ensemble. C'est peut-être même une sitcom que j'ai envie de développer, mais bon, voyons. Et d'ailleurs, la personne qui pourrait jouer Pascal l'acteur serait. Je vais biper évidemment. Je me suis dit, ah oui, donc. Parce que déjà que t'as dit son nom en début d'épisode, la blague, bah, tu vas devoir biper aussi. Bref, et au final non, c'est des vrais gens qui avaient rempli, donc on a rempli trois séances de ciné en Suisse, et la personne en question a été super gentille, s'est même excusée, je lui ai dit non mais c'est pas grave, je comprends, parce que honnêtement, et ça c'est un truc que je veux dire, je sais pas si c'est très intéressant, mais tous les exploitants de salles ont été extrêmement surpris de la vivacité du public, du encore une fois, en grande partie du podcast, faut savoir d'où ça vient, pour remplir les salles. Tous, parce qu'il faut savoir qu'au tout début... Dès le début, je me rappelle à Nantes, je me rappelle le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est « va falloir nous expliquer hein. ». Ouais, c'est ça. Les gens ont été... Tous les exploitants ont été choqués parce que... Ce qui était un peu menaçant. Bah, à ce moment-là, il avait sa main autour de ton cou, donc c'est ça qu'a rajouté. Et j'ai dit « écoute, amène-moi une bouteille d'eau. » On va se faire un petit Pirate Paradise tous ensemble, on va en discuter. Non mais parce qu'au tout début, et je vous donne tous les coulisses du cinéma. Ouais, vous êtes derrière le rideau. Ah non mais je vais pas le dire 20 fois. Vous êtes une voiture dans le Big Deal. Si vous êtes devant le rideau, c'est que vous êtes pas au bon endroit, vous avez pas écouté derrière, les consignes. Venez derrière. Bon, allez, j'ouvre une dernière fois le rideau. Voilà. Allez, venez. Venez, c'est voilà. Bon. Alors, allez. Voilà. Alors là le rideau, et il y a que Bataille et Fontaine qui pourront l'ouvrir s'ils ont envie. Les exploitants de salle n'étaient pas très chauds pour programmer les avant-premières de Nous le Leroy au début. Parce qu'il n'y avait ni Charlotte Gainsbourg ni José Garcia. C'est-à-dire que, et je les comprends, ils se disaient, bah, c'est eux qui vont faire venir des gens dans nos salles, c'est des stars. S'il n'y a pas ces deux personnages et qu'il y a juste le réal ou des acteurs qui vont plutôt des petites scènes, ou en tout cas des seconds rôles du film. Genre André Méniel. André Méniel n'a pas la célébrité de Pascal l'acteur. Il ne peut pas ramener des gens en salle. Moi, j'ai vraiment été extrêmement surpris, très premier degré. Ça a rempli très vite. Et on a dû doubler, parfois tripler les séances, et c'était extraordinaire. Et donc, effectivement, les salles de cinéma étaient très choquées. Et pour reboucler tout, la personne en Suisse s'est excusée. Et je pense, pour me faire très plaisir, a pris des très bonnes places dans le train. Et alors, le wagon. Alors, déjà, je ne savais pas qu'on pouvait t'amener de. On a découvert ça avec Adrien. Moi, j'avais déjà pris la première. Je n'avais jamais pris la business première. Je suis déconnecté des réalités depuis. Moi, je ne marche plus. Déjà. C'est fini. Une chanson de Jean-Jacques Goldman. Je marche plus. Je prends le train de la Suisse. Et voilà. Et donc le TGV. On est en train de faire un album du Festival Robles en un épisode là. Non mais tu parlais de cette alchimie, tu vois, elle revient petit à petit. Ouais, bon, et le TGV suisse extraordinaire. Et ils font ce truc que j'adore, mais que j'adore. Hein. Les sièges qui sont vides, on te dit quand est-ce qu'ils vont être réservés. Imaginons, tu vois, de Lausanne à Paris, on passait par Dijon. Imaginons, on était ensemble, Adrien, je veux me mettre à côté de toi, mais on n'a pas réservé les billets, etc. Et ben, je peux voir si à côté de toi il y a quelqu'un, parce que là le siège est vide, mais je me dis, je vais pas le prendre, peut-être que dans le prochain arrêt, quelqu'un va arriver. Génial. Tu vois si le siège est libre ou pas pendant tout le trajet, et parfois c'est libre pendant tout le trajet, ou alors on te dit, à Dijon, quelqu'un va arriver. Ah, c'est un régal ça. Et c'est un petit détail d'organisation pourtant, et c'est extraordinaire. Et ça change la vie. Les trucs de, ah, vous pouvez changer. Excusez-moi, ça c'est mon billet, c'est pas mon billet. Par contre, j'ai été à une grosse vicose. Et ça évite aussi quand, si t'es à côté de quelqu'un d'horrible, tu peux totalement te barrer tranquille. Oui, c'est ça. Ailleurs. Oui, voilà, ça va dans les deux sens. Et d'ailleurs, en parlant de trajet un peu difficile, j'ai pris un train, moi. Alors, je sais plus entre quoi et quoi. Je crois que. En fait, si, bah, c'était pour Genève. On était dans le sud, ou à Lyon, je sais plus. Non, dans le sud. Et je devais aller à Lyon pour ensuite. D'Aix. C'est ça. Et je devais aller à Lyon pour ensuite prendre un train pour Genève. Enfin, oui, Genève, puis Lausanne, c'est ça. Et donc, j'ai pris un train qui fait Aix-Lyon. Et en fait, Aix-Lyon, Gevetoyo, DMX, bien sûr. Et donc, du coup, je fais Aix-Lyon, et à ma place, bah, Robles, il l'aurait pas fait celle-là, tu vois. Mais celle-là, elle a mis du temps à monter, mais elle est bien. Et ma place est prise par une dame qui est avec sa fille, Et moi, je suis pas quelqu'un de chiant. Donc je lui dis, non, mais je comprends, vous voulez être à côté de votre fille. Donc il n'y a pas comme en Suisse les petits trucs. Donc je lui dis, vous pouvez juste me dire quelle est votre place et je prends votre siège. Elle me dit, ah ben non, on fraude. Et je fais, ah ok, ok. Et il y a un silence, comme celui que vous êtes en train de vivre. Et je fais, ben bah, du coup, elle me fait, ouais. Et je fais, bah, je vais aller là-bas. Et donc du coup, je vais laisser ma place et je me suis mis à côté de la valise. J'avais qu'une heure de train, c'était pas terrible comme une grosse vicos, mais j'ai adoré l'aplomb. Oui, oui. Il y a eu un aplomb du. Non, non, je fraude. Et ouais. Après le silence qu'on a suivi, ouais. Bon bah je vais me mettre à côté des valises. Voilà. Je vais me mettre à côté. Bah ça c'est comme ça qu'on fabrique des Pascal l'acteur. Ouais, ouais, ouais. Et après Pascal l'acteur il vient qu'en avion, voilà. Mais non mais après tu dis grosse vicose. C'est vrai que moi je t'ai évidemment insulté quand tu m'as raconté ça la première fois. Mais tu m'as, je savais pas que elle était. Avec sa fille qui était en petite fait, et machin et tout. Donc, pas si petite, 7-8 ans petite. Quand même. Mais oui, elle voulait être avec sa fille et tu gruges pas le train avec ta fille si en plus t'as pas des emmerdes de thunes, tu vois. Là où moi, oui, voilà. J'avais pas payé le trajet, enfin tu vois, donc tout va bien. Je me suis dit, bon, allez. C'est... Ah, après, il y a des riches qui sont des grosses pinces. Hein. Oui, bien peut-être sûr. Qu'elle a raté son train d'avant, elle a fait, oh, je vais pas repayer. Alors là. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, ça va. Et aussi, bon, le wagon restaurant existe où il y a des sièges. Alors non, pas sur pas sur ce transport-là. Très non, bien. C'est ces trains où t'as juste un petit café. Tu sais, où ils disent, alors entre la voiture 8 et 7, il y a une cafetière. Fait, ah bah, j'en mets. Cafetière. Ouais. Comment ça, tu te sers un café? Bah, je sais pas si tu te sers. Moi, je bois pas de café. Donc, je sais pas si tu te sers ou si quelqu'un te sert. Ah, non, bah, c'est un... non mais t'as ça, tu sais, ce qui fait Paris ou pour aller au Havre ou des choses comme ça, pareil. C'est des trains où il n'y a pas de wagon-bar. Oui, mais. Et du coup, t'as des petits trucs pour te faire un café ou un truc comme ça. Vas-y, je te jure. Mais genre. Ouais, écoute, bon, sur la vie de ma mère. Non, mais je te crois, mais j'arrive pas à croire que ce soit juste une cafetière comme ça où les gens ils peuvent se servir. Parce que se servir très bien, mais pour moi, dans ma tête, c'est oui, les gens peuvent aussi cracher dedans, quoi. Ah. Et peut-être que là, tu mets le doigt sur quelque chose. Bah, je sais pas. Non, moi, bah. Voilà. Voilà. Mon cerveau. T'as niqué l'ambiance. Je suis serein dans la vie. Voilà, donc ça c'était un peu les trucs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là? J'ai pas trop. On peut peut-être faire un big up au public de Lyon qui était extraordinaire. Qui était extraordinaire. En vrai, il faut Lyon, on a fait 4 séances. On a fait 4 qui séances. Qui est déjà le record. Ouais, on a tout. Et on aurait pu en faire une cinquième si on n'avait pas. Enfin, on aurait été mort à la fin, donc on l'a pas fait. Ouais, ouais, ouais. Mais honnêtement, le public de Lyon. Et d'ailleurs, c'est même un truc que je peux dire parce que moi j'ai le top 10 là depuis la sortie du film des cinés où il y a le plus de réservations. Mmh. Et effectivement, je crois que c'est le Pâté Bellecour ou l'UGC Pardieu qui fait partie du top. Toulouse, les Toulousains, gros big up aux Toulousains. Alors moi Toulousain, les Toulousains, c'est là où j'ai fait la plus grosse question-réponse aussi, parce que je crois que je suis resté 2 heures après le film. Ah ouais. Où j'ai parlé avec les gens. Non, non, t'étais pas là. Bah heureusement, tu t'es fait vraiment chier. Oui, je pense. Du coup, je pense oui. Mais du coup, j'en ai profité vu que j'étais tout seul. C'était après Bordeaux où j'étais avec Benjamin et toi. Et j'ai vraiment fait un question-réponse très long avec les gens. C'était drôle parce que je disais, il y en a qui, bah, ils voulaient rentrer chez eux. Et j'ai vraiment fait, ah non, mais vous pouvez partir pendant. Hein. Moi, c'est juste s'il y a des gens qui ont des questions, mais si vous pouvez partir pendant. Et donc. La salle se vidait petit à petit, mais honnêtement, les trois quarts sont restés pendant toute question-réponse. Et depuis, le Pâté Wilson, franchement, c'est dingue, il y a toujours du monde et tout. Donc, franchement, gros big up aux Toulousains aussi. Mais en vrai, gros big up à tout le monde parce qu'il n'y a aucune projo qui s'est mal passée. Les gens étaient. Il y avait des publics plus chauds que d'autres, c'est normal. Ouais, mais franchement, ça s'est super bien passé. Les gens étaient compréhensifs. Parfois, on pouvait pas. On a fait ce truc qui était un peu chiant de des fois pas pouvoir faire de questions-réponses, donc on faisait un peu une présentation. D'ailleurs, j'en place une petite pour Nantes et Rennes, où on est allé un peu vite, et aussi à Angers et Tours, ou alors Angers, c'est encore pire, parce qu'Angers, j'étais avec ma fille. C'est-à-dire qu'on a eu un. Alors, ça, je peux raconter vite fait aussi. J'étais tout seul pour faire les avant-premières. Il n'y avait pas Adrien, il n'y avait pas de second rôle, etc. Et il n'y avait personne pour garder ma fille. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ma fille avec moi, tant pis. Elle est ô combien adorable, donc ça s'est extrêmement bien passé. Mais du coup, c'était un peu marrant parce qu'avant, j'ai dû dire alors, faut pas me filmer, faut pas me prendre en photo, s'il vous plaît. Et donc, j'ai un peu raconté le film et tout avec ma fille dans les bras. Mais c'est assez mignon parce que ma fille, moi, elle comprend ce que je fais, quoi. Ouais. Et ce qui elle est reconnaît. Ouais, les affiches, quand on marche dans la rue devant un ciné ou devant, quand on était dans le métro, elle s'arrêtait et vraiment, elle hurle au hall. Il y a les grandes affiches au Forum des Halles et. Elle fait « Film de papa !» Film de papa. Elle est trop contente. Et là, son nouveau truc, c'est qu'elle... parce qu'on l'a fait une fois aux avant-premières, et maintenant, elle veut le faire tout le temps. Elle veut qu'on se faufile quand le film passe. Ah. Et, donc, on fait la cachette. On fait « Chut, chut, chut !» Et on va dans la salle, et on écoute les gens qui rigolent ou pas. Ça arrive qu'ils ne rigolent pas. Mais on écoute les réactions des gens, et on est caché, et elle adore jouer à ça. Donc, c'est trop mignon. C'est trop marrant. Mais c'est cool, en tout cas, les messages que moi, je reçois sur les Leroy. Ça fait super plaisir. C'est très marrant. Parce que j'ai fait d'autres trucs, tu vois, mais le fait que les gens ils parlent autant de. Enfin, il y a un truc chouette de. Les gens en tout cas qui m'en parlent, tu sens que ça les touche dans un truc perso. Donc ça, c'est assez... Oui. Je l'avais jamais vraiment vécu. En fait, je l'ai pas vécu depuis Golden Moustache, ce truc-là. Parce que ouais. quand on me parlait de La Flamme ou de Vermine ou de... Oui, on me dit pas... On me dit c'est marrant, on me dit c'est cool, on me dit des... plein de compliments. Mais enfin, en tout cas, quand les gens viennent me parler, il y a plein de gens qui détestent, évidemment, mais oui, les gens qui viennent sur mon Insta. Et là, c'est la... enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des gens qui me parlent de ça les a touchés dans le cœur, etc. Ou ça leur a rappelé des moments de leur vie, etc. Et c'est assez chouette. Franchement, ça fait bien. Ouais. Et donc, je voulais le dire vite fait. Je vais pas faire très long là-dessus parce que voilà, je vais pas mettre Adrien en carafe. Mais je voulais quand même remercier les gens parce que je peux pas trop le faire en plus par Insta parce que c'est vraiment une phrase de trou du cul. J'ai l'impression d'être Pascal l'acteur, mais j'en reçois beaucoup. Voilà, donc c'est un peu difficile parce que des fois, vous m'envoyez des jolis messages et c'est dur de pas savoir. Enfin, j'ai pas envie de répondre juste un bah merci, ciao. Alors que vous parlez beaucoup de votre vie. Bon, je réponds rien du tout. C'est peut-être moins bien encore. Mais sachez que je lis tout. Vraiment tout. T'es fini entre nous. Tout. Mais voilà. Micro d'aube. Ah ouais. Oui. Ah, il sent l'haleine. Ah. Enfin, il sent des années d'haleine. Et que de moi en plus celui-là quasiment. Ouais. Désolé. Mais ça pourrait être le Pédivic. Sois heureux. Sois heureux. Gros big up Pédivic d'ailleurs qui a fait les chansons Palard récemment où nous avons grave été invités. Bah ouais, on a fait. Bah en fait vu qu'il l'avait annoncé dans un podcast. Bah il a tenu parole et on a participé à ce format quoi. On est dedans. Attends, si vous regardez la vidéo, on est dedans. Laisse-moi réfléchir deux secondes. L'inverse total. À l'inverse. Oh là là. On n'est pas dedans une seule seconde. Ah putain. Mais ce Jérôme Niel, sa chanson. Parce que pour moi c'est celui qui a gagné. La seule qui a une chanson pas hier. Oh quoi. Quoi. Bah j'ai beaucoup rigolé. Et des fois je l'ai en tête. Ce qui est horrible hein, quand même. Ah oui. Je l'ai en tête dans la rue. Et ma fille l'adore. Ma fille adore démouler un cake et parce qu'elle m'a vu rire aux éclats. Je l'ai découvert à ses côtés et depuis elle veut tout le temps écouter démouler un cake à la merde. Ouais, bien sûr. Un vrai plaisir. Non mais très la vidéo est super. Et gros big up parce qu'en plus je suis sûr qu'il écoute à Théo Juice, qu'il est drôle. Très très marrant. Très bon animateur. Et à un moment je me suis dit mais faut qu'il fasse une sorte de burger quiz à eux quoi. Enfin tu vois parce que la conception de la chanson c'est une partie de la vidéo mais moi ce que j'ai vraiment aimé c'est le jeu. Les jeux. Avec quel doigt sent la merde. Ça c'est. Le jeu du racisme vraiment. Avec le t-shirt offert à Freddy, ça c'était vraiment très drôle. Donc voilà, on va faire les recos, Adrien Méniel. On va faire les recos. Alors avant toute chose, parce que pareil, alors merci Combini, on a fait la saison 2 de fanfiction. Vous la sortez le jour de sortie de Nul et le Roi. Ils veulent gratter le buzz. Non, je pense que mal géré. Bah, du coup, j'ai pas fait de story, rien, mais effectivement. On a fait la saison 2, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de Fanfiction, qui est en gros le podcast qu'on fait pour Prime Video, rémunéré, faut quand même bien le dire aux gens, mais qui est très amusant à faire avec Combini, où en gros on prend une IP, j'ai envie de dire, une série, un film, quelque chose qui appartient à Amazon, enfin au catalogue Prime Video, et on discute du projet, enfin de en quoi ça nous plaît, on enregistre une sorte de brainstorm, enfin voilà, une espèce de réunion d'écriture de qu'est-ce qu'on pourrait faire, et le troisième épisode à chaque fois c'est... le résultat final. Et on avait fait une saison 1 sur The Boys, la série The Boys, et la saison 2 c'est sur Monte Jamais Sa Personne, où en plus en guest il y a dans l'épisode 3 Clément Cotentin qui a réalisé le Monte Jamais Sa Personne, donc le docu d'Orelsan. Et donc on a fait la saison 2 qui est dispo partout je crois, qui est tout est dispo en même temps je crois, Il me semble oui. Ouais, il me semble aussi. Et donc voilà, si vous voulez écouter ça, n'hésitez pas. On prend toujours beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est un partenariat. Hein, on fait ça, c'est de la pub. Mais franchement, on le fait avec une liberté totale. C'est très amusant à faire. Bon, si toutes les pubs pouvaient ressembler à ça, ce serait vraiment un kiff parce que c'est trop cool à faire. Et ouais, très intéressant. Et merci à Combini parce qu'ils nous foutent toujours sur des bons doses, sur ces trucs comme ça. Ouais. Et ça fait plaisir. Voilà. Ceci étant dit, les grandes recommandations, Adrien Méniel. Oui, non, c'est le début de l'émission. Ah oui. Non, bonjour, bonsoir et bienvenue. Oui, Pascal l'acteur. Oh non, pardon, Pascal l'acteur. Faut que je le dise aussi. Parce que on a eu des reviews de plein de gens. Des très agréables, des gens qui ont moins aimé le film, c'est normal. Oui, on n'a pas chié sur les. J'avais très envie de chier sur les mauvaises critiques, je me suis dit non c'est pas l'ambiance, non, mais effectivement. C'est du bullying, tout simplement. Non, mais. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que moi, je loue Judd Apatow en long, en large et en travers, parce que c'est vraiment mon modèle. Genre pour une soirée, comme ça. Ouais, écoute, c'est 12 balles. Franchement, ça va. Hein. Non, mais tu vois, c'est vraiment. Même, t'es sûr que c'est lui? T'es vraiment juste un gars. Mais voilà, c'est un gars que j'adore. Et ce qui est incroyable, c'est que les mauvaises critiques qu'il y a eu sur mon film, c'est exactement les mauvaises critiques qu'il y a sur son cinéma. Genre, ouais, c'est un téléfilm, ouais, des fois c'est lourdingue, etc., etc. Et c'est fou parce que c'est vraiment, quand les gens n'aiment pas Judd Apatow, c'est ce qu'ils disent aussi de Judd Apatow. Donc, je me compare pas, mais c'est amusant à observer. C'est que je me dis, ça se trouve, je suis tellement inspiré par ce mec que même ce qu'on n'aime pas chez lui, on l'aime pas dans ce que je fais. Ouais, et ça me va très bien. En tout cas, si vous êtes critique cinéma, sachez que vous êtes grave stylé. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on a quelqu'un qui a aimé le film, mais qui a quelques réserves, et ça m'a surpris. Oh ben oui. Attends, tu vas mettre l'audio. Mais il coupe ton audio, il coupe... J'ai pas mis les critiques, parce que je voulais avoir que l'avis positif. Il dit les critiques après. Il dit les critiques. Il y a eu une émission qui il a dit été... qui... Bon. Il y a eu une émission récemment qui on est sortie. Laisse, on vous laisse deviner. Une émission qui c'est. A reçu Laurent Gérard. Premier indice. Premier indice sur l'émission en question. De taille. Qui a donc quelqu'un qui a plutôt aimé Nous les Leroy. Je vous invite à l'écouter. Moi, je vais au cinéma, par exemple, tous les samedis après-midi. Oui. Très souvent. Ah, oui. J'ai vu Nous les Leroy. Oui. J'ai vu. J'ai pas vu. C'était samedi. Bon. J'ai vu Charlotte Gainsbourg et Garcia. Pas très et puis non. deux jeunes comédiens. C'est un bon film. Hein. Oui, mais c'est bien écrit. Il y a une volonté de. C'est un film parfois un peu bancal parce que toutes les scènes, il y a des scènes qui sont moins réussies que d'autres. T'as envie de dire, il aurait peut-être travaillé plus, ça aurait encore été bien. Mais le quart de correspondance. Des choses dans le cinéma français. J'avais vu Tony. J'aime bien parce que c'est un compliment, mais ça reste de droite. Bon, il aurait pu travailler plus. Il aurait pu travailler voilà. plus. Pensez plus à la famille et à la patrie, si je peux me permettre. Non, mais voilà. Donc, Pascal Pro, voilà, qui a lancé un big up à Nous les Leroy. Non mais voilà, ça m'a amusé, ça m'a surpris. Voilà. Mais d'ailleurs, je repousse le coup de gueule. Non mais il dit Charlotte Gainsbourg. Déjà, il dit Garcia, il dit même pas José Garcia. Bah, il parlait du sergent Garcia, en l'occurrence. Ouais. Donc le pire ennemi de Zorro. Non mais il dit et deux jeunes acteurs, ça me rend fou. Tous les journalistes font ça, enfin pas tous, mais beaucoup de gens qui parlent du film. Ne disent pas les noms de, oui. d'Adrien Olmé, Lily Aubry. Bon, là, en l'occurrence, il n'avait pas spécialement prévu de parler lui, du film. Lui, évidemment, mais c'est juste ça m'y fait penser. Il ne peut pas être et bon en foot, et bon en politique, et non, bon en cinéma. C'est pas un reproche à Pascal Pro, j'en ai rien à foutre, mais il y a beaucoup d'articles qui parlent vrai. Du film. Et putain, citer les noms des jeunes qui ont besoin que leur nom soit cité. Quoi. Et ce qui est parfois surprenant, c'est que, en l'occurrence, même les gens qui n'aiment pas le film, souvent les deux acteurs qui jouent les jeunes sont loués à la manière de Judd Apatow, les gens les trouvent vraiment bons, donc c'est trop marrant de dire et les deux jeunes sont super, bah dites leur nom du coup, parce moi je suis d'accord avec vous, ils sont super, mais n'hésitez pas à dire comment ils s'appellent, à savoir Adrien Olmé et Lily Aubry, voilà. qu'on embrasse et qu'on adore. Et si l'article est déjà écrit et que vous dites ah c'est vrai que je l'ai pas mis, éditez-le, voilà, rajoutez les noms, ça prend deux secondes. Reco Adrien, reco culturel, un podcast que j'ai découvert qui s'appelle Solus. Ça parle de jeux vidéo, bien sûr. Plus je fais des recommandations culturelles, plus je me dis, j'ai raté ma carrière, j'aurais dû travailler dans les jeux vidéo. C'est ça ma passion, apparemment. Je recommande jamais de films. Non, ça s'appelle Solus. C'est présenté par Hugo Terra et Lucie Ronfaux. Donc, ça parle de jeux vidéo. Et j'ai trouvé ça très chouette. Le ton, les sujets abordés qui sont pas du tout... courant, c'est toujours il y a un peu un regard un petit peu décalé du genre ça il y a un épisode sur je crois que le premier c'est genre c'est quoi un gamer et du coup ça fait un peu un portrait de ce qu'on comment dire du stéréotype des gamers et puis de ce que c'est en réalité par exemple le fait que genre plus de 50% des joueurs et joueuses de jeux vidéo sont des femmes mais qu'on continue de marketer pour les hommes etc. Je le savais même pas. Enfin en tout cas plus je sais pas mais en tout cas il y a la moitié qui sont des femmes. Incroyable. Mais on markete pour les hommes et tout ça. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que enfin je disais quand je faisais quand ma reco culturelle c'était origami, je disais pendant longtemps j'ai cherché un peu qui étaient les gamers de gauche parce que je me disais c'est que des gens qui font des photos avec les meufs en bikini dans les salons et qui disent eh ben dis donc elle a des sacrés arguments Naruto là. Naruto tot là, et je me disais mais bon et voilà et du coup ça fait partie de ces gens là d'ailleurs. Lucie Ronfaux elle co-anime Internet Explorer, qui est l'émission d'Origami dont je parlais la dernière fois. Et donc ouais, justement, il y a un truc sur qu'est-ce que ça mange un gamer. Et justement, ça parle vachement de le truc sur les boissons énergisantes, les trucs comme ça, qui sont des... des trucs qui sont plus marketés envers les hommes, alors que en fait, c'est très intéressant. En fait, des fois, même le sujet, tu dis, ouais, je vois pas trop ce qu'il y a à dire. En fait, il y a un truc très analytique et en même temps très vulgarisé dans leur travail qui fait que c'est très pointu, mais en même temps, tu le comprends très bien. Donc, je trouve ça super. Et aussi, j'en fais la promo parce que, en gros, ils ont un peu financé cette première saison un peu avec les moyens du bord, on va dire. Et c'est, enfin, moyens du bord, je sais plus exactement comment, mais en tout cas, avec peu de moyens, la qualité est super et tout. Mais en gros, ils espèrent, ils comptent sur un succès de la première saison pour pouvoir en faire une deuxième. Et donc, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour avoir une deuxième saison et une troisième, etc., et ben, let's gong. Oh, oui. Oui. Voilà. Oui, oui, je connais. Je connais ce terme. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller un film qui est au cinéma. Bah, tiens. Alors, qui n'est pas dispo partout. Hein, bah, oui. Parce qu'il est sorti il y a quelques temps et c'est un petit film. Alors, le terme petit film est toujours. Voilà. Mais c'est un film québécois qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. J'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, mais c'est toujours ces effets un peu. Dans nos, enfin, tu vois, sur Internet, t'as l'impression que c'est le film que tout le monde, auquel tout le monde a accès. Non, mais bien sûr. Non, mais tu vois, à Paris, par exemple, je pense qu'il est sorti il y a peut-être 2-3 semaines et il est plus que dans 2 cinémas, quoi. Enfin, Brady. Non, là, pour le moment, il était au Hall et il était dans le ciné vers Saint-Michel. Bon, bref. Au Brady aussi, ouais, je pense. Il est au Brady, grave. Et c'est un film de Ariane Louis XVI. Alors, Louis XVI et son nom de famille. Avec Sarah Monpetit, Félix-Antoine Bénard, Steve Laplante. Pareil, Steve Laplante, très bon acteur qui était aussi dans les films de Monia Chokri. Voilà, mec très marrant. Et c'est un film qui est pas d'ailleurs qui est marrant. C'est un film assez marrant, mais c'est pas une comédie. D'accord. C'est un film. Moi, j'aurais adoré le voir plus jeune. Je pense que ça aurait été mon film de chevet si j'avais eu 16-17 ans. Ça reste un film que j'ai adoré. Okay. Que je trouve vraiment bien. C'est comment dirais-je? C'est un peu gothique. Il y a un côté Tim Burton, mais des grands jours. Alors, je sais que c'est toujours un peu cliché de parler de Tim Burton quand on parle de trucs gothiques. Oui. Mais en vérité, il y a ce mélange que je trouve vraiment chouette de rire, d'émotion. Et puis, le cinéma québécois a quand même un truc incroyable. L'image est magnifique. Leurs décors sont très américains. Donc, en fait, dès qu'ils filment leur supérette, bah, c'est les mêmes que tu as vu aux States. Mais bon, bah voilà, mais c'est pas que grâce à leur décor, hein. C'est la metteuse en scène est très forte, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, je veux pas minimiser son travail. Et les comédiens sont exceptionnels, c'est drôle, c'est chouette. Le titre en fait, il est malin, mais il est presque. Il met presque le film dans une case qui est un peu auteur niche, tu vois, c'est le titre à rallonge, etc. Mmh. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un vrai film pop que tu pourrais. Enfin voilà, quand je dis que je leur ai kiffé le maté ado, c'est parce que vraiment je trouve que. C'est fait pour eux aussi, quoi. C'est pas que, hein, mais c'est vraiment un film qui a cerné plein de choses aussi sur le fait d'être adolescent. Et puis c'est vraiment un beau film, quoi. L'image est magnifique. Ça dure 1h32. Oh, ça. Une grande qualité également. Et donc voilà, je vous invite à aller voir ce film. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Les acteurs sont formidables. C'est très drôle, c'est très beau. Et voilà, c'est un super film que je vous conseille. Et que dire d'autre aux gens? Alors. Donc Les Leroy est dispo partout. Je fais un petit shout out parce que je sais que je vous ai fait chier avec beaucoup de stories sur les avant-premières, la scène du film. Donc du coup j'ai été assez pingre en truc de promo que j'ai fait à l'extérieur. Mais si m'entendre parler de cinéma ou de nous Les Leroy vous intéresse, j'ai fait plein de trucs. Il y a le podcast de Tales from the Click où j'ai parlé de Funny People pendant 1h30. J'ai fait une interview chez Réaliser sans trucage. Alors, la moitié de l'équipe chie sur mon film. Voilà. Mais l'interview que j'ai faite, en tout cas avec Arthur et Sophie, où je parle un peu de réalisation et tout, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter une oreille. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait. Dans Télérama, on a fait un portrait de moi, dans Le Parisien, dans le film français. Enfin, j'ai jamais eu autant de promos pour un truc que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait Pardon, j'ai pété. Avec Pierre Lapin aussi, je me suis beaucoup amusé. Oui, j'ai découvert Rémi Boy, qui est très rigolo comme gars. Oui. Et Pierre Lapin également, mais ça je le savais. Ça, on savait déjà. Donc voilà, j'ai fait plein d'émissions comme ça. Donc n'hésitez très pas. Très bon imitateur, Pierre aussi. Un petit big up. Alors, ouais, c'est un peu inside, mais vous savez quoi? La prochaine fois qu'il viendra dans l'émission, on lui demandera de nous faire sa petite imitation. On peut le dire de Johnny Dalidet, qui est donc un mélange de Johnny Day et de Dali. Écoutez, c'est un des pires audios qu'on m'a envoyé de ma vie. Donc vraiment, c'est vous dire. Non, mais voilà, j'ai fait plein de podcasts et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sinon, Nous Les Leroy est sorti. Et toi, Adrien Miel, La Bonne Auberge, toujours. La Bonne Auberge, deux fois par mois sur Twitch. La Bonne Auberge JDR. Là, c'est. Du coup, c'est la. Je l'ai dit, mais c'est la dernière. Non, c'est... déjà, c'est du jeu de rôle sur Twitch. On joue à Donjons et Dragons. Et là, on est en train de finir, en gros, l'aventure. On va clore l'aventure de ces personnages. C'est-à-dire que la fin de cette saison, c'est la fin de ces personnages-là. Mais je sais pas à quel point je peux dire, mais en tout cas. En tout cas, voilà, c'est là, on est sur les derniers épisodes, donc tout normalement va bientôt, tous les arcs vont se fermer et tout, donc ça va être intéressant de suivre ça. Et voilà, bon, après ça aide d'avoir vu ce qui s'est passé avant, évidemment. Et j'ai eu quelqu'un sur une avant-première qui ne connaissait pas le Floodcast et qui est venu parce qu'elle regardait La Bonne Auberge. C'est très rare. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça qui m'a dit, moi, je suis venu parce que j'adore ce que fait Adrien dans La Bonne Auberge, donc je voulais voir un film dans lequel il joue. Et donc, qui me connaissait pas vraiment, qui connaissait pas mon travail, et donc a découvert via La Bonne Auberge. Quelqu'un qui m'a dit ça à Montreuil, je sais pas si c'était. C'était pas à Montreuil, non. C'était à. Enfin, putain, je sais plus dans quel. Non, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, qui, en fait, il m'avait découvert via La Bonne Auberge et que du coup, il avait écouté le Floodcast, et que du coup, il était venu voir. Non, le là, film, ce qui était drôle, souvent, parce que c'est dans l'autre sens, c'est les gens du Floodcast. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'elle écoutait même pas le Floodcast apparemment, ou alors elle venait de le découvrir, mais ce qui l'intéressait, c'était de te voir jouer parce qu'elle adorait ce que tu faisais dans La Bonne Auberge. Écoute, salut. Salut. Genre, on peut arrêter là-dessus. Ouais, on peut. Bon, bah merci tout le monde. À la semaine prochaine pour un épisode un peu plus normal. Il y aura des invités. Oh, on va rien, prendre hein. du temps. Là, normalement, on va pas trop en dire, mais il y a Pierre Ninet et Géraldine Nakache. Allez, salut tout le monde. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.